C'est la chronique jeux vidéo avec notre ami René Cadieux du site internet game-focus.com, la référence des jeux vidéo au Québec. Salut René! Salut Danny. René, on va parler aujourd'hui de 2K Sports, de NBA 2K. Écoute, moi je trouve que je considère que c'est le meilleur jeu vidéo de tout, avec NBA de show, tout jeu de sport confondu. Est-ce que cette année... Premièrement, je suis surpris parce qu'il n'y a même pas de calendrier. Les line-ups ne sont pas à jour. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on a dit qu'on va y avoir des mises à jour? Est-ce que le calendrier, comment ça va marcher? Bon, ils vont mettre ça à jour quand il va arriver, mais tout le temps, quand même, ils tiennent ces jeux-là à jour quand ils font les trucs. Là, ces temps-ci, on fait la promotion, les versions next-gen, le PS5, Xbox One Ouais. X et Xbox Series X, suivez-nous, Xbox Series S, puis ainsi de suite. Là, on fait la promotion de ça, mais au niveau des mises à jour des joueurs, puis tout, ça va être mis en temps et lieu, le calendrier va être mis en temps et lieu pour ceux qui suivent ça, mais sinon, tu peux jouer au basket, faire ton propre calendrier, tout est là pour... Ce pattern-là, tu sais, tout est vraiment là pour que toi, tu aies du fun en tant que tel, mais le jeu ne suit pas la saison. Il ne sera pas à côté pour l'instant, tant qu'elle ne sera pas partie, tant que tout ça, tu n'as pas les Mais options. ça va se faire dans les mises à jour, Dans une j'imagine. maison, c'est ça, ils vont envoyer des mises à jour d'ici là, ils vont tenir le jeu à jour, comme là, ils vont introduire les WNA, tout le kit en mode 2K sur les next-gen, sur les consoles, le PS5 et Xbox Series X. Fait que tu vas avoir tout le kit qui va être là, mais. Ils vont grader au fur et à mesure qu'il va y avoir des avancements dans la saison. S'il y a des échanges, ils vont faire tout ça via mise à jour. Ils vont tenir le jeu up-to-date au fur et à mesure. Mais tu sais, l'édition cette année aussi, on ne sait pas si c'est l'effet COVID ou l'effet. On a déjà plein d'affaires, puis on s'assied notre tête parce qu'on est tout seul, puis il n'y a pas vraiment de challenge. Le jeu en tant que tel, si tu as joué l'année passée, il n'y a pas des tonnes de changements. Tu sais, il y a des modes de jeu, il y a l'éditeur de personnages qui est un peu plus évolué, le visuel c'est super beau, puis on s'entend Next Gen, ça risque d'être encore du prochain en haut. On n'a pas eu la chance encore de On jouer. a vu quelques bridges. On va voir la sueur des joueurs. Ah, c'est ça, la On est vraiment sueur, les pas reflets de loin. lumière. C'est effectif, ça va vraiment être super beau, mais niveau contrôle, tu sais, au début, il y avait un problème, il avait changé le mode de tir. Là, c'est évolué, c'est réparé depuis le début, mais tu sais, on avait des problèmes avec le. C'était compliqué, ça marchait jamais. Genre, c'était pas rare que je faisais des matchs. J'avais réussi peut-être 5 paniers au total dans le match. Là, ça marchait pas. Ça tirait tout le temps, tu croches. Il fallait que tu prennes le temps de devenir familier avec. Puis ça marchait pas nécessairement. Fait que, comme je te dis, ça a été la grosse lacune. Ça a été amélioré. Le prix d'édition cette année, c'est 79,99. La version Next-Gen va être 89 en montant. Je te dis que le gros problème, c'est que c'est cher à payer parce que là, on a encore un effet de DLC. On sent qu'on a l'impression d'avoir du déjà vu, de rien d'amélioration. Si fracassant, on t'a compris l'année passée, on sent pas la coche entre les deux. Là. Tu joues 20, t'es un à part la mise à jour des joueurs, puis comme je te dis, il y a un peu l'aspect visuel, puis des trucs comme ça. Tu sens pas le feeling du jeu, là. Tu sens pas l'amélioration, puis tu sens pas que ça vaille vraiment la peine. Là. Mais ça reste quand même un bon jeu de basket. Là. Tu sais, si vous n'aviez pas, vous n'avez pas l'année passée, ça vaut la peine de regarder les rabais, d'aller dessus, ou, tu sais, si vous suivez absolument la saison, mais il n'y a pas de presse, ça va recommencer après Noël ou dans le coin de Noël, là, ils savent pas encore, là, mais tu sais, ça reste un jeu intéressant pour les fans de basket, mais qui n'a pas assez de changements. Si tu suis année après année, tu verras pas assez de changements pour dire, ouais, pourquoi j'ai fait le switch, sûrement tu vas le faire pareil, parce que tu sais, on est tous de même, les amateurs de jeux d'espoir, là. Le jeu, il vaille la peine ou pas, on a tendance à l'acheter, puis alors, un Moi, DLC je l'achète flag-up. pour les line-up puis je l'achète pour jouer ma saison pareil. Ah, c'est ça, c'est juste plate, c'est que les mises à jour, une trentaine de dollars, une mise à jour avec un peu d'effet visuel aurait fait la job cette année. Ça aurait coûté moitié du prix qu'on a eu l'affaire, puis ça aurait été le fun pareil. Mais tu sais, ils vendent plein prix. Ça, c'est une des lacunes qu'on lui a mis. Et on lui a donné un gros 7 sur 10, parce que comme je te dis, le jeu est fun, mais tu ressens vraiment plus que c'est un jeu mis à jour, une grosse mise à jour qu'on nous offre cette année. C'est vraiment pas la. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Ah, il n'y a pas beaucoup comme ça. Ils ont amélioré les AI, ils ont amélioré les contrôles, ils ont fait un peu le créateur de personnage qui est plus évolué, qui a plus de trucs, mais tu sais, ça reste quand même très limité, là. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés flagrantes, mais tu sais, le mode franchise, ça reste là, le mode histoire, là, si on revenait un peu ça. Mais il n'y a rien qui fait comment. Mais gars, ça, c'est la raison pourquoi je vais changer de jeu. Là, le feeling est sensiblement pareil. Puis le système de. Justement, ils sont venus au eu le système de tir adapté parce que. Avant ça, ce qu'ils avaient voulu impliquer, ça marchait pas, puis les joueurs se plaignaient, puis il y avait beaucoup de monde qui haïssait ça. Le jeu en ligne, mais ça a été revampé un peu, c'est du plaisir en ligne, mais ça reste ça. Est-ce que NBA Live d'EA Sports n'est plus, hein? Ben, il n'y a pas cette année, là. Les autres, ils n'en ont pas fait cette année, puis je pense pas qu'il y en ait l'an prochain, mais on ne Ah sait non, pas ils se sont encore. plantés royalement, Ben, imagine. il y avait des rumeurs là, pour parler qu'il ferait un March Madness ou des affaires de même, mais même là, je ne suis pas sûr que c'est. Il y avait des pourparlers un peu partout. Et Ouais. ils vont peut-être avoir de quoi éventuellement là-dessus, mais rien cette année. Puis avec le COVID, honnêtement, les Non. compagnies n'osent pas nécessairement là, se lancer dans les grosses affaires de même. Ok. Donc, 7 sur 10 pour Ouais. NBA 2K. 2K21. Ok, donc, c'est fait le tour pour cette chronique. Oui. Merci beaucoup, René Cadieux. Merci. René Bye-bye. Cadieux du site internet game-focus.com.